Ils avaient en effet trouvé leurs ancêtres en plein égarement. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ Et s'étaient empressés à leur emboîter le pas. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ La plupart des premiers peuples s'étaient égarés avant eux. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ Et pourtant, nous leur avions envoyé des avertisseurs. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ Vois donc quel fut le sort de ceux qui avaient été pourtant avertis. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ À l'exception des élus parmi les serviteurs d'Allah. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Noé nous adressa un appel. Et qui mieux que nous répond aux appels ? وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Nous le sauvâmes, lui et les siens, du grand péril. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Nous fîmes que seul survécut sa descendance. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Et nous le fîmes passer à la postérité. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Que la paix soit sur Noé dans tout l'univers. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Ainsi rétribuons-nous les bienfaiteurs. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Il fut l'un de nos serviteurs croyants. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Puis nous noyâmes les autres. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ Parmi les adeptes de Noé fut certes Abraham. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Quand revenant vers son Seigneur, le cœur pur. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous ? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ Tenez-vous en dehors d'Allah à des divinités que vous avez vous-même inventées. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers ? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Il jeta un regard vers les étoiles. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ Et dit, je me sens malade. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ Ils s'en allèrent en lui tournant le dos. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Il se faufila vers leur divinité et leur dit Ne mangez-vous donc pas ما لكم لا تنطقون Pourquoi ne dites-vous rien فراغ عليهم ضربا باليمين Et il se jeta sur elle, les frappant de sa main droite. Les autres gens de son peuple accoururent alors vers lui. Adorez-vous donc, leur dit-il, ce que vous-même avez sculpté. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ C'est pourtant Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites.